me réveille encore à midi. Et je sens bien que mes mains ne servent plus à rien. Je vis seul dans cette cellule où je ne vois personne. Je n'ai même pas assez d'argent pour sortir. Je ne sais plus pourquoi je chante, sauf pour passer le temps trop long. Mon existence est tellement chiante. Fou de décevoir qui que ce soit. On entend mes chansons mais on ne les écoute pas. Je ne suis qu'un rigolo sans destin. Je ne joue pas les losers, j'en suis un.